Directement des studios de la Radio Campus à Trois-Rivières, voici les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et je vais être avec vous ce soir pendant 3 heures pour écouter un condensé de la meilleure musique que c'est quoi vous offrir. Et cette semaine, croyez-moi, il y en a beaucoup. Du côté anglophone, une seule nouvelle entrée, celle de Metallica, c'est All Nightmare Long. Du côté francophone, il y a Bonjour Brumaire avec leur nouvelle pièce Prunelle. Il y a aussi la formation Hello Postier et Chicago Bye Bye. Mais on commence avec la 15e position. Voici tout de suite la 3e pièce du nouvel album Coup de foudre de la descente. Cool, oui. Voici Allergie. Moi qui est allergique à la bonne construction de phrases. Hein? Hein? C'est malade. Écoutez, les Palmarès, c'est fou au 89 FM. Les souhaits à chaque Metallica et All Nightmare Long de leur album Death Magnetic. C'est une toute nouvelle entrée en 15e position anglophone et la seule de ce côté-là. Juste avant, c'était la première de trois nouvelles entrées du côté francophone. La descente du coude avec Allergie. Et tant qu'avoir entendu Allergie pour la première fois dans les palmarès, je me suis dit qu'on pourrait faire un comprenons la don la chanson. Vous habitués des palmarès, vous reconnaîtrez la tendance que j'ai à vouloir analyser les paroles de chansons qui n'ont aucun sens. Donc, lisons la pièce Allergie. Elle lisait le Capital sur le boulevard industriel. Une étincelle à temps partiel, les souhaits achoppent à la chope ou achoum à choke, allergique aux peanuts qu'on lui paye de sorte qu'achoum à choke. Les corps craquent comme des écailles aux labeurs d'arrache-pied, nourriture bourrant les failles d'appétit rationné. Sa mère feuilletait un magazine dans la cuisine et je cite « Comment être bien dans sa peau ?» Rien dans sa peau même, c'est encore le meilleur jeu de mots. La tête pleine dans le fourneau, les souhaits s'escamotent sur des escalopes, la bouteille de Advil sur le bord du grill, en banlieue de ses rêves d'enfant. Ce trafic, le temps. Hein? On se croirait dans la semaine de la poésie, qui est du 3 au 12 octobre ici même à Trois-Rivières. Quel lien merveilleux, c'est un de nos partenaires. Donc, l'association est évidente. Voilà donc pour Allergie de la descente du coude, comprenons-la donc la chanson. On est rendu au position numéro 14. Côté anglophone, ça descend de 7 places. Et My Morning Jacket avec Touch Me, I'm Going to Scream, Part 1. Un autre titre qui a aucun sens, mais bon. Mais tout de suite, voici une pièce qui fait l'intrus à l'intérieur des nouvelles entrées parce qu'elle n'est pas une nouvelle entrée. Elle est en 14e place. Elle est stable, 10e semaine de présence. Voici Shotgun et Pierre Lambert au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. My Morning Jacket et Touch Me, I'm Going to Scream Part 1, pièce qui descend de la 7e pour venir se loger en 14e place. Ça fait 8 semaines que c'est là et c'est probablement sur la fin de sa carrière. Sur sa fin de carrière, on pourrait dire. Juste avant, du côté francophone, c'était une pièce qui est stable en 14e, Shotgun avec Pierre Lambert. Et ça, c'est bien de leur album éponyme, Formation Shotgun. C'est très très bon. Deuxième pièce de leur album, peut-être une troisième bientôt parce qu'elle aussi doit être sur sa fin. On s'en va tout de suite entendre nos numéros 13 du côté anglophone. Ça monte d'une place. On retrouve Stereophonics avec Soldiers Make Good Targets. Mais juste avant, voici la formation Hello Postier et leur pièce Chicago Bye Bye. Attendez, pas mal assez fou. Et vous, ne faites pas de bye-bye parce que vous restez jusqu'à la fin. Partez pas, vous autres, là. Je vous check. Check, check, check. On dit ça, nous autres. Check, check it out. Les palmes au 89.5. Demain sera un autre jour. Stereophonics et Soldiers Make Good Targets dans les palmarès, c'est fou. Ça, c'est la 13e position anglophone. Ça monte d'une place. Juste avant, c'était Chicago Bye Bye, pièce de Hello Postier. C'est une nouvelle entrée en 13e position. Il nous en reste une nouvelle entrée. Elle est du côté francophone. Mais avant de parler de ces nouveautés, regardons ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que pour les auditeurs non initiés aux palmarès, c'est fou. Les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Du côté du top 10 électronique, on renouvelle plus de la moitié des albums. En 10e position, il y a Glenn Love avec Cryptesthesia. En 9e, DJ Mutiny avec Sign of the Times, barbecue Here I Come. En 6e, All India Radio avec Fall. En 5e, Bomb the Bass avec Future Chaos. En 4e, Thievery Corporation avec Radio Retaliation. C'est un exercice de diction, ça. Et en première, avant de faire la première place, qui est la prochaine nouvelle entrée, il y a la 3e position, qui est une descente de 2 places. Daniel Lekian avec Forest Enter Exit Reissue. En 2e, c'est stable, Axes and O's avec Bedroom Madness. Et le numéro 1 est une nouvelle entrée, la compilation de Clock Machine Turns You On Volume 2. Wow. Du côté du top 10 loud, maintenant une seule nouvelle entrée, Bloodstained Memory avec Meteor Maker. Plus facile à dire celui-là. En 3e, remontée d'une place pour Bison avec Quiet Earth. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Motorhead avec Motorizer. Et en première place, c'est Metallica. On les a entendus il y a quelques minutes à peine avec l'album Death Magnetic. Dans le top 3, les disques canadiens maintenant. La 3e position est stable, The Green Hour Band avec l'album éponyme. En 2e, c'est Fur Bearing Animals avec leur album éponyme aussi. Et ici, je vais avouer ma confusion totale parce que sur la feuille, il n'y a pas de numéro 1. Donc, disons que la place est libre. Faites un album, on va le mettre en position numéro 1. OK, merci. Confusion, j'ai aucune idée pourquoi il n'y a pas de numéro 1. Dans le top 30 des albums en général, aucune nouvelle entrée. En 3e, c'est stable, Be Your Own Pet avec Get Awkward. En 2e, ça monte de 2, Dandy Wynn avec Yoke of the Golden Egg. Et en première place, c'est une montée de 6, The Steels avec Oceans Will Rise. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos palmarès tout à fait standard. On est rendu en position numéro 12. Et la 12e est une montée de 3 places pour une 2e semaine. Donc, c'est une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est Sevette avec Alibis. Mais tout de suite, voici la dernière nouvelle entrée de la semaine. C'est Bonjour Brumaire, voici Prunelle. Dans les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et ça, c'est comme la prunelle de votre radio, de la programmation. C'est la prunelle de la programmation, les palmarès, c'est fou. C'est comme la prunelle de tes yeux. Très important, ça que ça veut dire. Puis moi, c'est Mathieu Plante, c'est le plus important. Qu'on est bien assis là sur ce banc à scruter les pigeons qui se vantent. Les boulevards sont bloqués. Les amours s'effacent par le sel, ni les cheveux blancs, ni le chien n'auront raison de ce qu'apporte. Rien ne disparaît, fortement échappé. C'est ça, la base. La formation Cévette dans les palmarès, c'est fou. C'est en 12e position anglophone. Ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, n'est-ce pas, Kiwan? Ouais, j'étais-tu là? Je sais pas. J'étais-tu là la semaine dernière pour entendre ça? Il me semble que je l'avais pas entendu. Non, c'est ça, j'étais pas là au moment où ça a joué. C'est pour ça que ça me disait rien, mais oui. C'est des mouvements de va-et-vient, toi. T'aimes ça, les va-et-vient, hein? Hein? Encore hein? Des sous-entendus louches, Mathieu. Ça, c'est dans ta tête, Kiwan. C'est toi qui es pervers. Pas ma faute. Non, je ne suis pas un Robert, mais je peux vous dire par contre que juste avant ça, on avait entendu la 12e position francophone qui était aussi une nouvelle entrée. C'était Prunelle de Bonjour Brumaire. D'accord. Bon, mais ça, c'était de très, très bonnes pièces. On a fini pour les nouvelles entrées. Il y en a plus, il y en avait 5 en tout, 4 en tout cette semaine. La semaine passée, le grand numéro 1, disons-le tout de suite, du côté francophone, c'était Chocolat avec Albertine et il se retrouve en position numéro 11 cette semaine. Donc, c'est ce qu'on va entendre dans quelques minutes. C'est une pas pire drop. Grosse chute. Apparemment que ça c'est sur sa fin, ça aussi. Ben, on sait pas. Ça va peut-être faire une remontée spectaculaire la semaine prochaine. Peut-être. Qui sait? Qui sait? Il va falloir être là la semaine prochaine pour le savoir. D'accord. Et du côté anglophone, le numéro 1 de la semaine dernière était Creature avec Who's Hot, Who's Not. On n'a pas encore entendu ça, donc peut-être est-ce encore au numéro 1? Peut-être. Mais pour l'instant, on va l'entendre nos positions numéro 11. Qu'est-ce que c'est du côté anglophone, Kiwan? Du côté anglophone, c'est The Fratellis avec la pièce My Friend John. C'est un ancien numéro 1, ça. Et puis ça se retrouve cette semaine en position numéro 11. Mais pour l'instant, voici Chocolat et Albertine dans Les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. J'étais capitaine d'un yacht fabuleux. J'ai flambé ma fortune pour oublier tes yeux. Je quêtais ta présence comme une île clandestine. Mon herbe orientale, ma belle Albertine. De la mer Baltique, noyé dans les vagues, un ennui endémique. J'espère te trouver au sud de l'Argentine, mon infusion finale. We'll be right back. Fratellis et My Friend John dans les palmarès, c'est fou. Ça, c'est la position numéro 11. Ça descend de deux places. Et juste avant ça, c'était la position numéro 11 francophone. C'est l'ancienne position numéro 1, Albertine et Chocolate. Chute de 10 positions d'un coup sec, ça doit faire mal, ça, pour Chocolate. Quand même. C'est rare qu'on voit ça. Hey, mais sais-tu quoi? J'ai quelque chose à dire sur Chocolat. Je sais pas si je peux le dire. Vas-y, trempe tes doigts dans ce Chocolat. Hey, moi, je pense que Chocolat sont vraiment l'incarnation du snobisme rock'n'roll. Du snobisme? Raconte! Ben, j'ai souvent eu cette impression-là. J'ai croisé quelques fois. J'ai fait une entrevue aussi avec un membre de Chocolat. Et j'espère qu'ils sont pas à l'écoute. Non, hein. Non, mais j'ai pas honte de le dire. Pour vrai, je les ai vus au Gala des Gamics. Il y a un membre qui est allé chercher le prix parce qu'ils ont gagné dans la catégorie album rock'n'roll, je pense, ou quelque chose du genre. Et puis, j'avais toujours eu cette impression-là que c'était un peu, tu sais, l'attitude de rock'n'roll, rockabilly, un peu snob, un peu je me fous de vous. Mm-hmm. Je pense que Chocolat sont vraiment l'incarnation de ça. Oh. Mais ils font quand même de la très bonne musique. Oui, ben on exactement. En passe beaucoup ici, donc je serais... Je peux pas dire le contraire. Je peux pas dire qu'ils font pas de la bonne musique, j'en passe tout le temps dans mes émissions. Ils sont re-bienvenus à C'est fou quand ils le voudront bien. Ouais, je suis pas sûr aussi bon. Si on est pas, s'ils sont pas trop big pour nous autres, ils vont peut-être revenir. S'ils nous ont pas entendu présentement. Ouais, on va mettre cet extrait-là en podcast. Non, je pense sur le website. Non, ça doit pas être dans leur liste d'écoute favoris. C'est fou, là, sont au-dessus de ça. Non, je vais arrêter d'en rajouter. C'est vraiment méchant, Kevin. Je pense que je vais te couper là parce que tu vas te. Non, j'arrête d'en rajouter. Non, je les adore, Chocolat, mais c'est vraiment l'impression qu'ils me donnent pour eux. Bon. Passons à un autre sujet, pourquoi pas. Je veux même pas me mêler à ça. Je veux pas me faire des ennemis, moi. Déjà que Kevin est sur ma liste. C'est sûr que toi, t'es l'animateur vedette de C'est fou, hein. Non, attends. Animateur barre oblique méga vedette, qu'on dit. Ouais, c'est un titre autoproclamé, je tiens à dire. Tout à fait. Il n'y a pas eu de scrutin pour ça. Non? Pas encore. On en trouvera un meilleur que ça. On est rendu aux positions numéro 10 du côté anglophone. C'est Fouad and the Fez Tones avec Little Sally Walker. Et du côté francophone, c'est On a créé un monstre avec la deuxième pièce, extrait de leur EP de 3 pièces. Donc on est avec d'avoir fait jouer tout l'album. La pièce s'appelle L'Iceberg. C'est ça qu'on va écouter tout de suite. T'as vraiment dit qu'on était à veille, il y a comme 3 pièces sur le CD. On en a 2 de fait. On s'en vient bien. Ouais. Ouais. Notre moyenne est bonne quand même. Quand même. Mais palmarès aussi, c'est bon. C'est fou, 89 FM. Ouais. Hein? Hein? Pour vivre ce que tu vois dans tes rêves, tu mets sur ta fécondité. Tu l'enlises, tu l'emballes, tu l'enveloppes dans un coffre-fort dans une garde-robe. Pour t'assurer de ta légitimité, tu souris, t'accumules les années. Tu divagues au gré des vagues comme l'eau qui ronge un berceau de la rivière. Comme le savon qui ronge ton lavabo, un avion se brise. Bombe le torse. Sally Walker en 10e position anglophone, ça monte d'une place. Et avant la pause, on avait entendu l'iceberg de On a créé un monstre, ça montait aussi, non, ça descendait d'une place. On aime ça des affaires comme ça, nous, hein? Non, oui. Ça montait d'une place, ça monte, c'est ça. Excuse-moi, j'ai de la misère avec mes chiffres. C'est ce que je voulais dire, en fait. Ouais. On aime ça quand tu te trompes, parce que comme ça, je peux te dire, ah, tu t'es trompé, ha ha ha. Comme ça, t'as vraiment un sentiment de pouvoir sur moi. Ben, la haine est palpable, comme on dit. Est-ce que ça tente de regarder un petit peu ce qui s'est le plus vendu au Canada cette semaine? En termes de disques, là. Parce que sinon, il y a bien des choses qui sont vendues plus que de la musique, hein? Hein? Non. Veux-tu que je te dise tout ce que j'ai acheté cette semaine au Canada? S'il te plaît! J'aimerais ça. Non, en vrai, en 42e position, ça va peut-être te surprendre, c'est le nouvel album de Gilles Vigneault, Arrivé chez soi. Hein? Ben oui, ça me surprend. C'est... T'as une fibre émotionnelle. C'est un nouvel album, pour vrai? T'as des infos, non? Je sais vraiment pas, mais je me dis, si c'est nouveau dans le palmarès, c'est probable. Ouais. C'est plus une association. En 41e, c'était mon poste d'or cette semaine à l'émission Le Poste d'écoute, et on va en faire jouer plus tard dans les palmarès, c'est Cœur de pirate. Cœur de pirate. C'est bon, hein? Oui, j'en ai fait jouer hier au Dauphin. Ben, t'es hot, t'es dans le club. J'étais même avant Le Poste d'écoute, hein? C'est dans tes dents, ça, ben oui, c'est pas juste parce que t'es une journée de moi, une journée avant moi dans l'horaire que t'as fait ça, hein? Sinon, je t'aurais battu, ça. Donc, Cœur de pirate avec la claviériste de Bonjour Brumaire. En 33e place, DJ Khaled avec We Global. En 22e, Nelly avec Brass Knuckles. 16e, Avenged Sevenfold, live. Hein, quand même. 15e, All That Remains avec Overcome. En 11e, ton artiste préféré, je crois, Dan Ligra. Avec Duo de la tendresse. C'est un succès. En 5e, Kid Rock avec Rock'n'Roll Jesus. Ça, c'est stable en 5e. En 4e, c'est nouveau Neo avec Year of the Gentleman. En 3e, et le reste est stable, Coldplay avec Viva la Vida. 2e, la trame sonore de Mamma Mia. Et en première place, c'est l'album de Metallica qui s'appelle Death Magnetic, qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission. On est à l'avant-garde, nous aussi, du numéro 1. Hey, mais je pense à ça, puis le tracking de Metallica est assez hallucinant parce que c'est un groupe qui joue probablement partout dans le monde. Cet album-là, il est sorti en même temps, sûrement partout sur la planète. Mm-hmm. Puis il y a vraiment des albums promo dans toutes les radios. Il envoie même à C'est Fou aussi. Imagine s'il envoie ici à C'est Fou, qui est une radio francophone universitaire. Imagine dans le nombre de radios qu'ils l'ont envoyé à travers la planète. Ça doit être des milliers, là, c'est sûr. Worldwide. Hein? C'est incroyable. C'est... ouais. C'est une belle pensée, ça. C'est une belle parenthèse, hein? C'était super. On peut enchaîner, je pense. Je pense que ce serait mieux comme ça. Kiwan, t'as pas de... Alors, on est rendu au position numéro 9 du côté anglophone. C'est Creepshow avec Rumor Radio, si ça monte d'une place. Et du côté franco, ça monte de 4. C'est 5 à 7 de Paisley.

are taken to the ground as it burns. Airwaves call out into the night. Live through the sounds. We can't see an ending in sight. Creep Show avec Rumor Radio en 9e position anglophone, ça monte d'une place. Juste avant, c'était 5 à 7 de Paceplay. 5 à 7. Ah, je viens comprendre le jeu de mots. Non, sérieusement, je ne devais pas pogner pendant tout ça. 5 à... Non, c'est vrai. Moi, je suis lent. Il faut qu'on m'explique les jokes. C'est pour ça que quand je fais des jeux de mots d'impalme, il faut que j'explique aux gens parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprendront pas. Fait que sûrement, tantôt, tu parlais de cassette puis personne ne comprenait. Là, parce exactement, parce que vraiment... Peut-être même expliquer aux gens que le titre est écrit... Comprenons-le donc, le titre. C'est ça, c'est 5 cassettes. C'est comme la sainteté de la cassette. J'avais pas écouté les paroles, en fait. Ben, en fait, j'avais compris les paroles, tu sais, qui ont aucun sens. Ouais, as-tu vraiment quelque chose à comprendre? Dans mon cas, rarement. Donc, tu disais qu'avant ça, c'était... bon, avant PSP, c'était les 10e, puis avant ça, c'était les 11e. On s'entend sur l'ordre, jusqu'à maintenant, tu suis. Ouais, moi, je suis. T'es dedans? Ouais. Pas bien. On va l'entendre aux 8e position, mais avant ça, Kiwan, je réalise, là, avec le temps, qu'il est 18h18 en direct le vendredi soir. Sais-tu ce que ça veut dire, oh, ça? Oh, ça veut dire qu'on est 3 minutes en retard pour écouter. Toi, tu me donnes un cue de même. C'est moi qui fais cue, Kiwan. C'est moi qui décide quand je pars les affaires. T'as pas à me dire, c'est là, les gars, dans la question. Bienvenue à l'improvisation radiophonique. Je suis Nina, la maître du jeu. Aujourd'hui, à l'improvisation radiophonique, on parle phobie. Saviez-vous qu'il existe plus d'une centaine de phobies dont on soupçonne même pas l'existence? Eh bien, préparez-vous à apprendre un peu plus sur les phobies les plus inusitées. Accueillez nos deux improvisateurs invités, Luc et Reluc. Bonjour Luc, ça va bien? Oui, ça va bien. Reluc, ça va bien aussi? Oui, ça va bien aussi, oui. Parfait! Alors, les règles du jeu de l'improvisation radiophonique sont simples. Je vais nommer une phobie et vous allez tenter de mettre en scène une situation où cette phobie se manifeste. Ça marche? Oui. Aussitôt que vous avez réussi, je vous en nomme une autre et ainsi de suite. Il faut que vous réussissiez à en mettre le plus possible en scène dans un délai de 2 minutes et demie. OK. OK? Première phobie, la cristallophobie, la peur des cristaux. Chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Regarde la belle bague que je t'ai achetée. Deuxième phobie, la cyanophobie, la peur du bleu. Chérie, j'ai fait une belle peinture. Viens la voir. Y a-tu bien du bleu dedans? La bradyphobie, la peur du ralentissement. Oh non. Dis-moi pas qu'il y a du trafic, là. Dis-moi pas qu'il y a du trafic. Oh, pis fuck, là, je fonce dans le tas. L'hylophobie, la peur des forêts. Hey, t'as-tu vu ça, toi, l'erreur boréale de Richard Desjardins? C'est effrayant de voir ça, les copes à blanc, là. C'est drôle, moi, ça m'a assez rassuré, l'erreur boréale. Ah! Oh. L'asymétrophobie, la peur des choses asymétriques. Hey, ça veut dire ça, toi, que tous les hommes ont une testicule plus grosse que l'autre? Tu me niaises, toi? Non! La vilophobie, la peur des animaux velus. Hey, il ira, vous êtes prêts en os, ton chat! Oh, lisse. La sténophobie, la peur du rétrécissement. Viens nous rejoindre, l'eau est frette. Non, m'a laissé faire. La notaphobie, la peur des factures. Bonjour, est-ce que je vous mets la facture dans le sac? T'es-tu malade? Toi, garde-la pour toi, t'as une facture. L'allopophobie, la peur des chauves. Bureau du docteur Birubé, bonjour. Oui, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Birubé. Ah, ça ira pas avant mardi, monsieur. Je veux juste savoir, là, j'ai une question avant. Oui, allez-y. Docteur Birubé, là, y es-tu chauve? L'oculophobie, la peur des yeux. Oui, c'est pour mon rendez-vous avec le docteur Birubé. Docteur Birubé, là, y es-tu genre à nous checker dans les yeux quand il nous check? La céphalophobie, la peur des têtes. Docteur Birubé, là, y a-tu une tête? La topophobie, la peur des lieux géographiques. Comme ça, t'as été à Hawaï, hein? Ouais. C'est un lieu géographique, ça, Hawaï? Ben oui, c'est un lieu géographique, là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Rien, hein. Mais là, on dirait que t'as peur. Non. La lourdophobie, la peur de courber le dos exagérément. Non, je suis en train de courber le dos exagérément, là, moi, là. La basophobie, la peur de marcher. Hey, ça te tente-tu qu'on aille prendre une marche? L'autre fois, ça te tente-tu que je te casse la gueule? Mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Je te rappelle pas, je suis basophobe. Ah, maudite basophobie à merde. L'héméraphobie, la peur de la diminution d'acuité visuelle au crépuscule. Allez! Attends, notre loyer est dur, là, celle-là. Fais le crépuscule, toi. Tu veux que je fasse? Ben là, fais le crépuscule. Un peu, là. C'est le crépuscule, ça? Ben oui, mais là, je sais pas. Ça fait pas de bruit, le crépuscule. Continue, correct. OK, là. Attends, le crépuscule arrive, là. Là, coudonc, OK, là, j'ai peur de pas voir. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse, tabarnak? La peur du crépuscule. Ouais, j'ai peur de pas voir, c'est ça. Bon, OK, c'est fini. Bon, merci beaucoup, Luc et Reluc. Alors, vous avez fait en tout 15 phobies. Moi qui est 15 phobes. Toi qui est 15 phobes, Colin, qu'est-ce qu'on fait? C'est un autre bon moment avec les gars de Vidon la leur question, l'émission d'humour extrême. C'est l'endroit exclusif en passant les palmarès, c'est fou. Vous pouvez entendre en exclusivité exclusive les capsules exclusives de Vidon la leur question. Tous les vendredis à partir de 18h15. Mais Mathieu, on peut-tu l'entendre ailleurs qu'au palmarès? Mais non. Mais quelle bonne question, Kiwan! Vous pouvez aussi l'entendre dans les palmarès en rappel. Les mercredis à partir de 17h15 et les jeudis à partir de 14h15. Allez voir le cif.ca pour tous les détails et allez voir le vidonladon sur le c.com pour plus d'informations sur Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, ce duo d'humour extrême qu'on diffuse en exclusivité exclusive exclusivement dans les palmarès c'est fou les vendredis à 18h15. La phrase est dure à dire quand même, mais elle est très accrocheuse. Ouais, un peu lassante à la longue, là. Ben, j'avoue, c'est un peu redondant, mais bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, tu sais? Ben, mettons nommer les prochaines positions puis les écouter. Bonne question. Ou encore créer un autre malaise avec un silence. Hein? Je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas. Les prochaines positions, c'est les positions numéro 8 du côté anglophone. On retrouve Elliot Broad avec Write It All Down. Même si je regarde le CD, là, puis je crois, je suis pas sûr. Non, c'est bien Write It All Down. J'étais sûr que c'est Wrote. Non, je t'ai entendu right. dire Wrote, mais c'est vraiment bien Write. C'est bien Write. Ouais. That's right. Non? Non. OK. On va écouter avant ou après? Avant, la position franco. Oui. C'est la huitième. Comme toujours, là, genre depuis 10 ans. Oui, c'est vrai. Ben, c'est la huitième, c'est en hausse de 7. C'est une nouvelle entrée, c'est la 15e position la semaine passée. Ça monte vraiment rapidement. C'est Tibia Sauvignon de Metagruo, un groupe que j'aime beaucoup, un style que j'aime Baku? Beaucoup aussi. Baku? Ouais. T'as-tu dit que t'aimais Baku, ça? Baku, Metagruo, c'est vraiment bon. Bon, mais allons l'écouter d'abord. Tout de suite. Dans un gruau musical qu'on appelle les Palmarès c'est fou. Au 89.1. Avec une pièce qu'on appelle affectueusement Write It All Down en 8e position anglophone, ça monte de la 13e. Et juste avant ça, ça monte à un train d'enfer. C'est Tibia Sauvignon de Métagruau. Mais dis-moi plus. Ben, Métagruau, qu'est-ce que tu veux que je te dise plus à propos de Métagruau? N'importe quoi de plus. Ben, ça monte de 7 positions. Puis c'est vraiment un très bon groupe que j'ai découvert, Mathieu, en même temps que Porno Robot. Porno Robot, sûrement que tu connais pas ça parce que ça joue pas ici. Je connais ça. Je connais ça. Oui, tu connais ça en fait parce que c'est la pièce, l'introduction de mon émission La Dernière Porte à Gauche. C'est une pièce de Porno Robot. Puis j'avais vu Métagruau et Porno Robot en spectacle en même temps. Et c'est aussi ton surnom. Porno Robot, ouais. C'est pour ça que je connais ça en fait. Ouais, on se donne des petits surnoms coquins. Parce qu'on s'aime, tu sais, vous le voyez pas, mais on se touche les cuisses en ce moment. Ben en fait, on anime quand on anime les palmarès, Mathieu est toujours assis sur moi. Oui. On parle dans le même micro. Ça va très bien pour la console d'ailleurs. Vraiment, c'est comme. Kiwan, Kiwan ou excuse-moi, Porno Robot. Allô, Porno Robot, ça va? Ouais, ouais. Est-ce que ça tente d'entendre ce qui est entendu le plus dans les radios universitaires communautaires du Canada? Ouais, vas-y. Merci. Donc pour la semaine qui se termine le 16 septembre 2008. Les semaines, encore une fois, je le rappelle, se termine le mardi chez Earshot Online. En tout cas. Donc, en position 10 à 6 en rafale, The Walkman, Beck, The Stolen Minx, Women et Brandon Canning. Le reste est complètement canadien. En cinquième position, The Pack 80 avec Funeral Mixtape. En quatrième, Fembots avec Calling Out. En troisième, Elliot Broad, qu'on vient tout juste d'entendre avec Mountain Meadows. En deuxième, l'album Moody Motorcycle de Human Highway. Et en première place, c'est l'album Soft Airplane de Chad Van Galen. Ça, c'est les CD les plus écoutés dans les radios universitaires et communautaires du Kennedy. Hein? Autre chose à dire? Non, sinon qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore qu'on joue ici, mais un peu, de plus en plus. Un peu? De plus en plus. Ouais, on est américanisé pas mal dans nos choix de musique anglophone ici, dans les premières rations d'Iran. Ouais, j'aime. On n'a pas beaucoup d'artistes canadiens. On pourrait avoir des petites feuilles d'érable à côté de nos... pour savoir qu'est-ce qui est... Ou une petite tête de castor. Moi, je t'en mettrais une à quelque part, genre. Ouais. Je sais pas où. Je vais me décider. Ça va être à déterminer. Aussitôt que j'ai les petites feuilles, je vais décider où les mettre sur toi. OK. D'accord. On va faire des collants. Des genres de tatou temporaires. Des tatou garnis. Ouais. Comment on dit? Non? Tatou garni. Il est tatou garni. C'est un jeu de mots, non? Ben ouais, c'est comme jeu de mots, je dirais que c'est fidèle à toi. Ah, fidèle à mon habitude? Ouais. Pour ça que je riais pas. Je te comprends. Position numéro 7 qu'on est rendu du côté anglophone, c'est Motorhead avec Rock Out qui monte d'une place. Ça fait 3 semaines que c'est sur notre palmarès. Et du côté francophone, c'est un groupe de Shawinigan, Elvis Versa avec la pièce Gentleman. Shawinigan, pour vrai? Shawinigan. Shawinigan. Ah oui. Palmarès, c'est faux. 89.1 FM. Ben là, fais ta liaison. Come to, bon gentleman. Je lui ai dit, chérie, veux-tu que je te ramène? T'as juste à me dire où c'est que tu vas. Ça tombe-tu, ben je passais par là. Mais comme d'habitude, j'avais trop bu. Les policiers s'en sont aperçus. Ils m'ont fait souffler dans ballon. Juste assez sous pour chauffer ma mino. Come to, bon gentleman. Je lui ai dit, chérie, veux-tu qu'on se promène? C'est vrai qu'il commence à se faire tard. Mais j'suis pas en état de conduire mon char. Fait qu'on a profité de la lune, puis un café au Tim Hortons. Jusqu'aux petites heures du matin, les yeux dans les yeux. Puis Christ qu'on était ben. Come to, bon gentleman. Je la raccompagne, lui dis chérie, à la prochaine. J'espère qu'elle voudra me revoir. Dans ses yeux, j'ai cru comprendre qu'elle avait de l'espoir. Et sur le chemin du retour, le pied dans le fond, sur le boulevard de l'amour, je me suis mis à penser à elle et à me dire, en plus d'être funèbre. On est lundi, j'ai hâte en fin de semaine. J'espère qu'elle voudra me revoir. Le dernier coup, j'ai cru comprendre qu'elle avait de l'espoir. Mais comme d'habitude, j'avais trop bu. Les policiers s'en sont aperçus. Ils m'ont fait souffler dans ballon. Juste assez sous pour chauffer ma mino. Fait qu'on a profité de la lune. You'll never be the same again. Let the beat into you. Motorhead avec Rock Out en 7e position anglophone. Ça monte d'une place dans vos palmarès. C'est fou. Et avant la pause, c'était Gentleman du groupe Elvis Versa. Tout à fait. Puis est-ce qu'on aime bien? On aime ça. Ouais. On aime les palmarès en général, nous autres. Tout ce qu'on aime pas, c'est dans le fond l'un l'autre. Ouais, c'est ça. Comment? Ça fait le tour. Hein? Même si on va voir un spectacle ensemble ce soir. Je sais qu'il y a une chose que Mathieu Plante aime beaucoup. Quoi? C'est Mathieu Plante. Non, je sais pas trop, là. Animateur baroblique Mégavedette. Mégavedette. Pas pour rien qu'il dit ça de lui-même, hein? Je pense qu'au bout de Mégavedette, tu devrais rajouter titre autoproclame. TM Mathieu Plante. Ouais. Là, il faudrait que le TM soit TM Mathieu Plante, animateur Mégavedette. Ça se répéterait un petit peu. Ouais. En tout cas. Kiwan, c'est-tu ce que j'aime aussi autre que moi-même? Il y a des choses que t'aimes aussi? Oui. Quoi? Ah, ben oui, Zone Camp. Zone Campus. Zone Campus, t'as l'accent quand même, Zone Campus. Campus. Ouais, en tout cas. C'est pas comme si t'avais aucun lien non plus avec ça. C'est pas comme si j'étais le gars qui l'avait monté, ce journal-là, puis que c'est moi qui plaçais les articles et les photos. Pas du tout. Pas du tout. Donc, en couverture du Zone Campus cette semaine, votre journal des étudiants de l'UQTR, on parle des élections fédérales 2008. Serez-vous du grand débat est la question en couverture, parce qu'il y a un débat qui se passe à la Chasse-Galerie le mercredi 1er octobre à midi, et ça va diffuser ça en direct sur les ondes de C'est Fou. Donc, ça va être très bien. Très bien, ça. Très bien. Donc, en actualité, on parle de l'adoption de la plateforme électorale 2008 de l'AGA-UQTR. Ça dit 24, c'est bien, mais 52, c'est mieux. Il y avait 52 revendications et puis seulement 24 ont accepté quelque chose de genre. Ensuite, déréglementation des frais de scolarité des étudiants internationaux. Il y a une petite entrevue avec Jonathan Fortier, président de l'AGE. On parle en gros du grand débat électoral sur le campus de l'UQTR avec Joanie Potier et François Landry. On fait un petit portrait des 5 candidats aux élections aussi dans la section actualité. On parle de Danny Carpentier, nommé au gala Force Avenir. Sa citation et le titre, ça dit, et je cite, « À cause de mes grands pantalons ». Ça intrigue, ça donne l'envie de lire. C'est ça le titre de l'article. La conférence de Jean Lemire qui avait lieu à la salle J.A. Thompson, le bac vert prévoit des profits malgré de nombreux sièges vides pour mission en Antarctique de Jean Lemire. Ah, c'est plate. Moi, je voulais y aller, mais je pouvais pas à cause de mon travail. J'aurais vraiment aimé ça, aller voir. C'est peut-être le cas de bien des gens qui ne sont pas. Vous allez, malheureusement. L'éditorial dit UQTR Environnement pour s'y retrouver un peu. Il y a évidemment votre caricature. Il y a un texte d'opinion par Jean-François Veilleux, qui est étudiant en philosophie. Il dit « L'avenir de notre nation est un vote pour le Bloc québécois ». Le retour de la section vie étudiante avec Mohamed Djebri cette session-ci, qui reprend le flambeau pour parler des choses qui se préparent. À l'UQTR, dans les associations. La chronique de Guillaume Chalette-Janson, qui s'appelle toujours « Je vous aime moi non plus » cette semaine, ça dit « Chronique de la fin du monde ». Ensuite, on entre en art et spectacle pour retrouver la chronique Petite mythologie bimensuelle par Martin Bertrand. Cette semaine, on parle du cellulaire. Tu sais, c'est une chronique qui parle de choses qui se passent dans la vie, comme, mettons, le purel, le phénomène du purel, ou encore la télé-réalité. Cette fois-ci, c'est le cellulaire. Portrait de Cindy Bédard, une cowgirl dans la cour des grands. Elle va être, en fait, c'est une étudiante de l'UQTR qui va être en spectacle dans la série Découverte. Concert au Trou du Diable par les mains de l'homme. Sortie CD de Caïman Fou. Leur nouveau CD s'appelle Drôle d'animal. Il y a une critique du film C'est pas moi, je le jure, un nouveau film québécois. Ouverture d'un petit théâtre, le petit théâtre de la rue. Et finalement, en sport, la nouvelle session des Patriots Golf commence tranquillement, mais sûrement. La formation de hockey est bientôt complète. Les Patriots Soccer brisent la glace. En natation universitaire, Gingras amorce la reconstruction du bon pied. Et finalement, pour terminer le journal sur une bonne note, les Patriots et C'est Fou sont maintenant partenaires. Vous avez peut-être entendu les publicités des Patriots jouer sur nos ondes. Eh bien, ils ont un partenariat d'établi et un article là-dessus dans votre Zone Campus, qui est le journal des étudiants de l'UQTR. Le prochain numéro est en kiosque à partir du 29 septembre et ce jusqu'au 12 octobre. Oui. Et allez voir le zonecampus.ca pour le lire en direct sur le Internet. C'est bien fait. C'est bien. T'as que dire de plus. C'est bien fait. Sinon que de laisser un silence très malaisant. Malaisant, c'est pas mal à l'aise. Faudrait consulter Cynthia pour ça. Hein? Le dictionnaire des cynthialogismes. À quand le dictionnaire des cynthialogismes? À quand? On essaye de les intégrer dans les palmarès, mais c'est pas facile. Non, hein? Sans notre mentor. Moi, je pense que je vais juste partir la pièce, OK? Écoutez, les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Lèvez les mains, tapez sur quelque chose de proche de vous. Lève tes mains, il faut que tu lèves tes mains. pas sec Perrier verse mauvais Cavassier. Ça c'est une trip ça, lève tes mains en l'air. Dans sa masse sur la piste de danse. Sont les stacks triple high pour qu'ils touchent le ciel. Et là le monde se colle comme un mille de sardines. Enfin la molécule dans la tête à Francine. Lève tes mains toi et tout. Whiplash pis vire faut se bouge ton cou. J'ai dit bouge ton cou. Come on baby baby faut que tu connais la game. Dans les bars tu cruises. Pour un autre 5 drink tu donnes la good news. Bathroom sale tu sais comment la clean. Et un autre 5 minutes pis t'as tout envolé. Yo bartender j'ai besoin de drink. Donne-en une à la petite blonde en pink white linge. Que la waitress danse comme une mistress. Radio radio joue pis ça colle tout y baisse. Lève tes mains en l'air, élimine le contraire. C'est minère sur la terre, moi j'dis brûle en enfer. Si t'es contre ça, lève tes mains en l'air. Si t'es pour ça, en tout cas lève tes mains en l'air. Élimine le contraire, c'est minère sur la terre. Moi j'dis brûle en enfer. Si t'es contre ça, lève tes mains en l'air. Si t'es pour ça, en tout cas brûle ça. Lève tes mains en l'air. Plus de panique, on est ici, la bonne fou, what you fool. On play autour du monde et tout. Los Angeles, Miami, Paris, Montréal. Si tout le monde vit rouge, c'est y'a qu'un show normal. Demande à anyone d'envoyer que je fais ce shit. Drag seize down with OBB and shit. Windmill break dance, puis la slip and slide. On a la backflip, worm slip, la side to side. Check a dance floor, fourré de femmes partout. Y'a des petites paires de fesses entourées de plus grosses. Si j'y danse avec toi, ma girlfriend est jalouse. Yes, sting, j'ai des culottes, puis c'est pas de la blouse. Il m'appelle le matador, puis j'suis gone on bullfight. Ma mère met en l'air avec une pinte de bière. Avec une fille qui danse dans la chambre d'arrière. Faut qu'elle danse, danse, comme un bébé danse, danse. Danse, danse, penche, penche, pick up ton cash. Il faut que tu danses, danse, penche, penche, pick up ton cash. J'oublie ton nom, comment qu'on t'appelle. Mais c'est alright, j'en ai trouvé une plus belle. Mais me mets en l'air quand j'suis dans la crowd. Me mets en l'air quand j'suis dans la foule. J'suis point sous assez, j'suis point chaud assez. J'fais un autre drink avec une umbrella. Un autre drink pink avec tes mains en l'air. Élimine le contraire, c'est minère sur la terre. Moi j'dis brûle en enfer. Si t'es contre ça, lève tes mains en l'air. Si t'es pour ça, en tout cas brûle ça. Lève tes mains en l'air, lève tes mains en l'air. Élimine le contraire, c'est minère sur la terre. Moi j'dis brûle en enfer. Si t'es contre ça, lève tes mains en l'air. Si t'es pour ça, en tout cas brûle ça. Lève tes mains en l'air. Lève tes mains en l'air, fais des foleries. Fais des faces, fais des gestes, fais ton Napoli. Dans les clubs, il faut que tu walk, yes, il faut que tu cries. Faut que tu bailles ça super fort comme un chimpanzee. Watchez-vous, le marabout, et c'est du whisky. Ses mains qui se baladent, les yeux glossy. Faut que tu slide around, faut que tu bounce around. James Brown, boogie down, j'aime la way qui se sound. La soirée est finie, là tu cherches la viande. Un hot dog sur l'onde, de quoi de mieux, come on. Combo take out dark meat, white meat and blonde. Oh Belvedere, moi j'dis baby come on. J'veux que tu danses baby, j'veux que tu danses baby. Check que j'pense à tes hanches pis tes fesses baby. Si t'es le test baby, j'vais faire mon best baby. Moi j'suis le maître des maîtres, j'veux faire du mess baby. So dance, dance, punch, punch, pick up ton cash. Il faut que tu danses, danses, punch, punch, pick up ton cash. So what if il m'aimait en l'air, what if il m'en grimpait. Il marche avec son walker, et body Johnny Walker. Il chante un chorus, mais il oublie les mots. Y'a Alzheimer's, Pierce pense qu'il est sous le trou. Il dit non, je point bruit, mais le monde a point cru. La seule fois qu'il compte, c'est ses mains sont l'air. Il danse avec mes ex, pis tout mes belles-mères. Il danse avec mes ex, pis tout mes belles-mères. Electricity. The Green Hour Band avec Real Lovin' en position numéro 6 de nos palmarès. Ça descend de 4 places, Green Hour Band, le groupe écolo de leur nom. Oui, avant ça, c'était la sixième francophone, Se lève tes mains de Radio Radio. Ça montait de 6. Il y a beaucoup de mouvements cette semaine dans le palmarès. C'est vraiment fou. Ouais. Ça paraît que la session d'automne est recommencée puis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animateurs puis plein de d'émissions. Les pièces jouent ou ne jouent pas, donc ça bouge sur le palmarès. C'est cool. Toi aussi, tu bouges. Ouais, je bouge toujours mes mains. Ouais, tu fais des signes. Je fais des moves de mains. T'es comme un mime. De bras, de pieds, ouais. Mais tu parles, par exemple. C'est gossant encore plus parce qu'un mime, déjà, tu sais, c'est comme c'est sûr que ce serait mieux si je parlais pas. Ouais. On serait tous beaucoup plus heureux dans ce monde. Un jour, peut-être. Kevin, qu'est-ce qu'on fait ce soir, toi et moi? Je sais pas. Chez toi, je sais pas. Chez toi, je sais pas. Mais non, ce soir, c'est... C'est un endroit neutre ce soir pour nous deux. Mais ce soir, il y a plusieurs options. OK. Plusieurs spectacles ce soir. Ce soir, plusieurs, mais je sais qu'il y en a deux intéressants. Laisse-moi parler. Rapidement. Laisse-moi parler. Faut rappeler aux gens que ce soir, pour nous, dans notre monde, parce qu'on est comme dans une bulle ici, on est les vendredis soirs. On est le 26 septembre. On n'est pas les vendredis soirs, on est juste un vendredi soir. Le 26 septembre. Faut le mentionner. 2008, parce que les gens vont être confus en écoutant un autre jour. Là. Ouais. Donc, on disait? On disait qu'il y a des options ce soir, parce qu'il y a Yann Perrault qui est à l'embuscade ce soir. Payant? Je crois. Sûrement. C'est Yann Perrault, quand même. C'est ça. Il y a aussi Lusky qui est au Charlot. Oui, et ça, c'est là qu'on s'en va, nous autres. Ben, c'est là que je m'en vais, en tout cas. Ben, je vais y aller moi aussi, mais pas pour te copier, c'était déjà prévu d'avance. Ouais, tu resteras comme à une quinzaine de pieds de moi, s'il te plaît. Ça va être dur dans le Charlot, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mettons 10 pieds. Maintenant. OK, c'est bon, on va se limiter. Okay. Donc, c'est ça, le Charlot. Il y a des options, c'est ça que tu me dis. Il y a plusieurs options, mais il y en a juste deux. Ben, il y en a d'autres, en fait, mais moi, c'est ceux que j'ai retenu. Bon, OK. Bon. OK. Tu peux passer ta clé d'appartement à quelqu'un aussi. Oui, il y a sûrement quelque chose qui se passe là aussi, mais ce que je veux dire, ouais. Arrête de m'interrompre. Ce que je veux dire à propos du Husky, qui est en spectacle ce soir au Charlot, les billets sont au coût de 12$ à la porte, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que le Husky va être avec nous tantôt. Non. Je te le dis. Mais je te crois pas. Ben, j'espère. En tout cas, tu connais ma malchance légendaire avec les entrevues et avec les invités, mais non, je pense que dernièrement, j'ai une pas pire moyenne avec les invités. Donc, c'est ça. Je dirais dans à peu près une demi-heure, je pense que le Husky va être avec nous pour parler du spectacle et puis de lui. On a bien hâte de le recevoir. Ben oui. Est-il aussi poilu que dans ma tête? C'est ce qu'on va voir. Un Husky en général, tu sais. C'est ce qu'on dit sur les gars poilus aussi. Hein. J'espère qu'on va pouvoir le flatter. On se calme un peu avec... garde un petit peu de gêne, un minimum. T'sais? Ouais, je pense qu'on va prendre chacun une chaise hein, quand il va arriver. Hein? On n'animera pas sur la même chaise hein, quand on va être avec lui. Ah, ouais, il faut rappeler aux gens qui n'étaient pas là qu'on anime sur l'un sur l'autre ce soir. Ouais. Ouais. En musique maintenant! On est quand même fidèle au contenu. Contenu du palmarès qui est toujours très proche du plancher. Parlons de plancher, Kiwan! Oui. C'est ça que tu voulais faire, hein? Oui. Plus tard dans l'émission, il va y avoir la chronique Le Plancher. Ça, c'est la chronique où on balaie le plancher. Voilà. Parce que c'est la fin de l'émission, il faut faire le ménage pour la prochaine émission. Mais aussi, on va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Ça s'appelle Le Plancher et c'est ici la fin de l'émission. Oui. Ouais. Mais pour l'instant, on va entendre nos prochaines positions. Les cinquièmes du côté anglophone, c'est Who's Hot? Who's Not? The Creature. Et du côté franco, c'est le groupe 72 Rivière Rouge avec la pièce Une Dose. Parce qu'ils en ont besoin de leur dose. Comme vous avez besoin d'une dose de bonne musique. Dans les palmarès, c'est fou. Ça fait très commercial, hein? Ouais. J'en fais plus ça. C'est les palmarès, c'est fou, 89.1. FM. La radio court plus de doigts. De pause, une dose. La nuit, je fais de l'insomnie. Une dose. Flyer au bout du monde, jusqu'en Australie. Dormir au bon me semble comme un squeegee. Je veux ma dose pour rire de ma patrie, pour rire de vos conneries. Ma dose pour soulager l'ennui. Once upon a time, in the early days of rhyme, rap was just an oddity, not today's commodity. A pure form of self-expression, not violence and wealth obsession. So please let us take this test to change your mind and make you dance. Avec Who's Hot, Who's Not, l'ancien numéro 1 du côté anglophone, c'est maintenant numéro 5. Donc, on a un nouveau numéro 1 des deux côtés. Juste avant ça, on avait entendu la position numéro 5 francophone. C'était une dose de 72 Rivière Rouge. Absolument. On a déjà entamé la troisième heure de l'émission. Kiwan, sans le remarquer, comme ça, on a passé par-dessus, là. Mais on est rendu dans la troisième heure. Et cette troisième heure va être remplie de plein de bonnes musiques. Plus tard, il va y avoir la musique de Gatineau, de El Motor. Le volume était au maximum. Le monde dans le feu. Qui est numéro un là-dedans? Je ne pourrais pas te dire. Veux-tu nommer des artistes anglophones? Genre au hasard comme ça, mettons, n'importe comment. The Stills, Dandy Wind, The Great Outdoor, Be Around Pet. Ce qu'il va y avoir plus tard aussi dans l'émission, il va y avoir la chronique Le Plancher où on va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Ça va être un bon moment, ça aussi. Et quoi d'autre? La visite du Husky aussi. On l'espère. Oui. Il s'en vient. J'ai confiance. Il s'en vient. Faut arrêter de dire que c'est un groupe, c'est une personne. Mais ce qu'on va faire pour l'instant, c'est aller tout de suite en musique de nouveau pour aller entendre nos prochaines positions, c'est-à-dire les positions numéro 3, 4. 4, ouais. 4. Du côté anglophone, c'est The Great Outdoors avec Summer in the City. Mais juste avant ça, c'est du côté francophone Amanda avec le volume était au maximum. C'était pas notre meilleure intervention, ça. C'est dans la moyenne, là. Disons que notre batting average, pour parler de sport, là, je viens de me perdre complètement. Je m'emmerde, dans le fond, en disant sport. C'est du sport pour moi. Le volume est au maximum. Ouais. Mon niveau de sport, lui, est au minimum. Effectivement. Blaring horns and accidents, late night walks and cigarettes. Yeah. barbecues, the light of our beer in the afternoon. Tuesday nights turn into Fridays, patios in college country, yeah. To hell with debts, to hell with all the consequence. Travel feeling on Friday, August, June, and especially July, yeah. The Great Outdoors avec Summer in the City en quatrième oui, position anglophone, ça monte d'une place. Oui, avant ça, c'était Amanda, du volume était au maximum. Mm-hmm, vous êtes dans les palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2008 avec Mathieu. Et Kiwan. Rykovchinski. Ouais, ou juste Kiwan aussi. Mais tu nies tes racines, Kiwan. Ben non. En disant pas ton nom de famille, non, ça. Toutes tes racines plantes. Ouf. Qu'est-ce qu'on va écouter là? Ah, tu veux retourner en musique, toi, tu veux pas qu'on parle? C'est ça? C'est pas que j'aime pas les malaises, mais. Hein? J'entends le mouche. Ça pourrait être long. Ça pourrait être très long faire des choses comme ça, nous autres. On aime ça. Ça nous permet de passer un moment à se flatter. Pendant ces silences. On n'avait pas dit qu'on arrêtait les références homoérotiques dans cette émission. Tu as dit que tu arrêtais les références homoérotiques. Ok, fait que tu peux continuer, c'est correct. Sérieusement, il y a quelqu'un qui vient nous demander tantôt si on était vraiment en couple. Ouais. C'était drôle. C'était un peu ce qu'on voulait faire, en fait. Ouais, mais maintenant, on est un peu pris avec notre étiquette. Je pense que c'est fait, là. Okay. On retourne en musique et on va entendre les troisièmes positions du côté anglophone. On va retrouver Dandy Wind avec Battle of Verdun qui monte d'une place. Oui, du côté francophone, c'est Gatineau qui est le groupe récipiendaire du prix Gamic. Précipiendaire? C'est quelqu'un qui l'a reçu avant de se faire décerner. Un précipiendaire. C'est le groupe qui a gagné le prix. Ce groupe-là a gagné. C'est pour l'album hip-hop de l'année au Gamic. C'est ce que je voulais dire. Avant que tu m'interrompes sauvagement, Mathieu Plante, donc c'est le groupe Gatineau qui a gagné ça. Et on va les écouter avec la pièce Chanteur masqué. On dit Mathieu Plante, animateur, barre oblique, méga vedette. Okay. Chanteur masqué, Gatineau. Barre oblique, méga vedette. Bon. Kiwan. Ah, quoi? Rien. Kiwan. Dérange-moi pas, là, quand je chatte sur MSN. Kiwan. Allô? Allô? Le viol, il se brutale, je pointe ici le contrôle. Des moules, je parie que j'ai de la pré-réplique. Le

Dandy Wayne avec Battle of Verdun en troisième position anglophone. Ça monte d'une place, c'est bien sur l'album Yoke of the Golden Egg. Et avant ça, troisième position franco, c'était stable, c'était Chanteur masqué de Gatineau. Absolument, il reste à peine une demi-heure avant la fin de l'émission et avant l'émission de Kiwan qui s'appelle La dernière porte à gauche à 20h les vendredis. Aussi, d'ici la fin de l'émission, il va y avoir la chronique Le Plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Mais avant ça, on s'en va entendre à l'instant même, je dirais, nos deuxièmes positions. Il y a The Seals du côté anglophone. Mais avant, voici Le Monde dans le feu. Chris, t'es pas belle. Kiwan, check-toi. Quoi? Chris, t'es pas belle. C'est pas mal assez fou, 89. The Stills et Snake Charming The Masses en deuxième position anglophone de notre palmarès ici à C'est Fou. Et juste avant, c'était Le Monde dans le Feu avec la pièce Chris, t'es pas belle qui monte de deux places. Hein? C'est vulgaire à souhait, on aime ça. Ben, on aime ça juste dire le nom. Ben, la pièce est bonne aussi, on aime ça l'écouter. Mais... on aime juste le nom de la pièce, c'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est le fun de le dire parce qu'on peut pas sinon dire des gros mots en ondes. C'est la seule façon qu'on peut. Le moins possible. Là, dis pas trop de gros mots parce que t'es en présence du Husky lui-même. Ben oui, c'est ça, parce qu'on l'a dit plusieurs fois depuis le début de l'émission. Le Husky est en spectacle ce soir, vendredi 26 septembre, au Charlot. Et il est avec nous ici en studio. Salut. Salut. Ça va bien? Fait que là, je peux pas dire de grossièreté. Hein. Ben, toi, tu peux. Non, toi, tu peux, vu que t'es invité. Tu peux, tu peux tout faire si tu veux. Je suis comme Jean Leloup, là. Ouais, c'est ça. Et Kiwan ressemble à Christiane Charette quand tu la regardes. Sans la barbe. C'est vrai que Charette... Avant, quand elle se rase pas. Ouais, t'es assez velu, Christiane Charette, comparé à moi. Hey, juste pour savoir comme ça, est-ce qu'on t'appelle le Husky ou... Tu veux dire ma mère? Pour te parler, mettons, toi? Pour s'adresser à toi. Ouais, tu peux l'appeler de mère? Ouais, ok, ouais. C'est bon. J'ai un nom, mais il est secret. Ouais, c'est ça, c'est un secret, on peut pas le dire ni savoir. C'est ça, ok. Pourquoi tu t'appelles le Husky, sinon? Ben, c'est le nom du projet, mais sinon, au début, c'était juste le nom du projet, puis les journalistes se sont même appelés de même. Ok. C'est drôle. Puis ça fait de bien, t'sais. Ouais, c'est... C'est plus intéressant que mon vrai nom. Ouais, j'imagine. Hey, tu sais pas mon nom, tu sais pas. Mais ouais, c'est il y a souvent une confusion. Des fois, les gens pensent que le Husky, c'est un nom de groupe. Ouais, mais c'était un peu ça que je voulais. Okay. C'était comme à géométrie variable. T'sais. Fait que je suis arrivé au début, j'avais un band, on était 6. C'était comme le band, le Husky. Okay. On est rendu 3, c'est encore le trio, le Husky. Puis okay. À un moment donné, quand je vais être écœuré de jouer avec du monde, je vais tout ça. Puis ça va s'appeler, je vais m'appeler le Husky tout seul. C'est un passe-partout finalement. Ouais, c'est ça. C'était plus un autre projet à géométrie variable. Ça fait deux fois que je plug l'expression en 30 secondes. Ouais, c'est bon. C'est beau. C'est, ça vient du contenu dans notre émission. Quand même. Généralement, il n'y en a pas. Ah non. Merci, Kiwan, en passant. Puis sinon, en spectacle, est-ce qu'il y a une thématique avec les Huskies d'habitude ou non? Non, moi c'est ça, tu sais, on est tous habillés en poêle, on ouais. Jappe au lieu de chanter. Fait qu'on peut pas aller vous flatter. Non, il faut nous flatter dans le sens du poêle après le show si vous avez aimé ça. Ah, ok. Non, pas vraiment. C'est plus le nom du projet, tu sais, les Huskies. Ok. Ça fait un an que l'album est sorti. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Est-ce que t'as joué pas mal avec cet album-là? Tu veux dire des shows? Ah ouais, des shows. Quand même, ouais. Pas sans mon goût, mais bon, ça c'est une question de contexte. Là. Le fait qu'on était 6 aussi, je trouve qu'à un moment donné, ça devient un peu lourd à porter ouais. Comme structure si tu pognes pas comme Pascal Picard. Là. Mm. Sinon, on a quand même fait des shows quand même à droite à gauche, puis c'était bien correct. Là. Okay. Mais ça reste toujours un peu dur des fois de se faire connaître en dehors de Montréal. C'est comme band de Montréal, il y a toute une structure qui est là. Puis quand t'arrives au jouer ailleurs, ben tu sais, il y a du monde qui t'aide un peu, mais c'est vraiment plus éparpillé, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est toujours un peu le défi, tu sais. Faut que tu fasses des shows, tu voyages, puis tu bouges, tu fais voir tes affaires. Des fois, il y a moins de monde la première fois que tu viens, tu reviens, là, il y a le bouche à oreille, puis il y a plus de monde la fois d'après. Pis, ouais. Sinon, c'est ça. Y a-tu des places, justement, tu dis qu'en dehors de Montréal, c'est plus compliqué. Y a-tu des places au Québec où c'est vraiment comme des joyaux, là, où le monde sont plus au fait de la culture émergente, des groupes un peu moins connus? Supposé, mais tu vas pas nécessairement voir là, concrètement un résultat. Okay. Là, je veux dire, Rouyn-Noranda, à cause du festival de musique émergente, est quand même assez au fait de tout ça. Mais il n'y avait pas non plus 500 personnes au jour, okay. Mais 60. Puis c'est déjà correct. C'est con à dire, mais quand ouais. T'as 60 personnes, t'es content, hein, des ouais. Fois. Là, à moins que ton projet vraiment lève là, un niveau populaire, tu joues de la radio plus commerciale. Sinon, si t'es plus dans la radio étudiante, des fois c'est un peu là. En tout cas, tu plates de quoi qu'on parle, là? Non? Mais on pourrait. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Non? Peut-être. Si j'étais un auditeur puis je faisais pas de musique, puis je me dirais, ok, là, rire de chien. Non, c'est bon. C'est à moi d'enchaîner plutôt. Est-ce que c'est la première fois que tu viens, je pense, à Trois-Rivières? T'as jamais joué à Trois-Rivières? Non, j'ai jamais joué à Trois-Rivières. Ok. Première fois. Ok, c'est bon. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe sinon dans l'avenir? T'as un projet d'un nouvel album, peut-être des nouvelles pièces? C'est ça. Mais nous autres, on a quand même défait un an. On n'a pas juste fait des shows, on a fait des clips ici. Là. Okay. On a fait un premier clip déjà à Musique Plus, en top 5 un bout. Pour la tune Les filles sont comme des oiseaux. Uh-huh. Puis on t'arrête de travailler sur un clip pour Je vous aime mes amis qui devait ressortir à l'automne. Puis c'est ça. Moi, je commence à travailler déjà sur le deuxième album. En spectacle, est-ce qu'il y a des nouvelles pièces que tu joues ou c'est seulement les pièces déjà sur l'album? Pas encore, là, je commence à penser à monter des nouvelles pièces là, okay. Pour l'année qui s'en vient jusqu'à temps que l'album sorte à l'automne 2009. Là. Okay. Pour l'instant, je trouve que les tunes, c'est pas comme si on avait fait non plus 5000 shows. Là, fait que je suis pas encore tanné des jeux et tout. Fait que je me concentre plus sur le disque. Ok. Ouais. C'est bon. Donc, le spectacle, c'est ce soir, vendredi 26 septembre, pour les auditeurs qui écoutent en direct. C'est au Charlot. Alors, c'est là qu'on va pouvoir écouter finalement de quoi ça a l'air en spectacle, le Husky. Ouais. Donc, merci d'être passé nous voir. C'était plaisir. C'était bref comme entrevue, mais c'était plaisant quand même. Mais court, intense. Mais bref, on aime ça. C'est bref, mais intense. Bref, mais intense. C'est une quickie. Bonne façon de le dire. Mm-hmm. Merci beaucoup. Hein, de rien. On s'en va entendre une pièce. Oui, on va écouter la pièce qui a été sur le palmarès l'automne dernier ici. Voici David Bowie. Voilà. Merci beaucoup, Husky. Merci encore. Bon spectacle. Merci. On va être là. Dans les rues, donne-moi un marteau. Je m'en vais me construire un bateau. Afin de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, je veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. Comme c'est flou, les mots qui me viennent risquent de te faire de la peine. Laisse-moi te montrer comment on prend un peu de bon temps. Amène ton cœur ici et ton corps que j'adore. Oublions nos vies jusqu'à la fin de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada. qu'on fait ça demain, disons. Okay, hey, c'est le ski avec David Bowie. Oui, le ski qui est en spectacle, on le rappelle ce soir. Il est encore temps d'y aller. Si vous écoutez en direct, là, c'est encore le temps d'y aller. Moi, j'y vais après mon émission. Puis, ouais, on a eu la confirmation qu'il sera pas trop tard tantôt. Donc, quand même, commencez à vous préparer pour aller voir le ski. Ça va être un bon spectacle, je suis persuadé. Et Kiwani et moi, on y va ensemble. Ouais, donc si les gens veulent constater l'effet des rumeurs, vous pourrez venir nous voir au Charlot. Les rumeurs courent sur les forums de discussion. Ouais. Pour pas de toi et moi. Hey, si Mathieu, si on veut des renseignements, on y est au sujet du husky. Oui, donc les renseignements, c'est sur le husky.com ou encore myspace.com/husky. C'est très, très simple. On n'aurait pas pu faire mieux comme adresse. Donc, le husky.com ou myspace.com/husky. Et voilà. Voilà. Et la pièce qu'on a entendue s'appelait David Bowie. Ça vient de son album Chanson moderne pour cynique romantique. Et on peut dire, je crois, maintenant leur album parce qu'il y a plusieurs membres quand même dans le. Ouais, c'est ça. On sait jamais trop comment les décrire, mais bon, c'est un groupe. Poilu. On est un peu déçus de savoir qu'on pourra pas aller flatter des animaux. Il y a dit que dans le sens du poil, tu pourrais flatter les membres du groupe, mais il n'y aura pas d'animaux de compagnie en tant que tel. Non, c'est ça. Peut-être leur micro aura une mousse. Peut-être. Nous aussi, on peut flatter nos mousses de micro. Hein? Vous êtes jaloux, hein? Je sais que vous êtes jaloux. Kiwan, il est tard. Oui, il est 45 minutes passé l'heure environ et on est déjà rendu à la fin de nos palmarès. On va l'entendre au numéro 1 tout de suite. C'est là, là? On dit pas c'est quoi, par contre. Ce qu'on dit, c'est qu'on est dans le moment présent. On vit dans le moment présent. Le moment présent, ça donne à être le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est l'automne. Nouvelle saison qui commence. Tout à fait. Donc, on aime ça. On part nos moteurs de début de session, ça. On se rend, on fait ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring avec notre moteur, ou en espagnol, notre motor. Hein? T'es trop direct dans tes allusions, dit entre guillemets. Jeu de mots. Uh-huh. C'est même pas des jeux de mots, c'est trop direct. Hein. Arrête de faire des affaires avec des affaires. Kelly. Moi, j'arrêterai pas de critiquer. Moi, je vais toujours critiquer tes jeux de mots, Mathieu, toujours. Moi, je suis en train de dire que Kelly, c'était le pendant anglophone plutôt féminin de Kiwan. C'est okay. Kiwan, sa sœur, mettons, s'appellerait Kelly, puis elle fait des affaires avec des affaires. OK, c'est ça, les affaires. Son animal de compagnie s'appellerait... Bi. Lui-même. Oh, il s'appellerait lui-même, c'est ça. Vive l'automne! N'importe quoi. Je peux pas croire que je vais passer la soirée avec lui à soir encore une fois. La mort, c'est... The Kelly Affair, la formation Be Your Own Pet, le numéro 1 anglophone de cette semaine, ça monte de 2 places par rapport à la semaine dernière. Et le numéro 1 francophone, c'était Vive l'automne d'El Motor. Super bonne pièce. Oui. L'émission est déjà presque terminée, Kiwan, donc on a le temps à peine pour parler de gens stupides qui font des choses stupides. Et notre chronique Le Plancher cette semaine commence avec une nouvelle d'une avocate qui envoyait sa sœur jumelle pour la remplacer afin de pouvoir assurer ses deux professions pour Gabriella. Il était compliqué ou impossible d'être au même instant juge honoraire à Vigevano et avocate à Rho. Le Corriere della Sera signale ce fait divers plus hollywoodien que milanais. La juge et avocate Gabriella a formidablement bénéficié du don d'ubiquité pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle se faisait parfois substituer comme avocate par sa sœur jumelle Patricia, qui, on peut le souligner, avocate n'est pas, mais simplement titulaire d'un diplôme universitaire. Les faits incriminés remontent à 1998 et 2001. Le stratagème a été démasqué en 2003, alors que Gabriella réclamait à ses clients le règlement de ses honoraires. Gabriella est aujourd'hui accusée de fausses idéologiques dans l'exercice de sa profession, mais aussi pour arnaque envers les clients défendus par sa sœur. Ben là, tu sais, elle s'est dit, ça marche toujours dans les films avec les sœurs Olson. Ah ouais, c'est vrai, hein? Que ça marcherait pas dans ma vie professionnelle d'avocat. C'est, hein? C'est. Bon. Ensuite, à Longridge, Preston, en Angleterre, Alun Stocks a installé un système d'alarme à infrarouge pour protéger son champ de concombres. Si un intrus pénètre dans le champ de légumes, le système déclenche une alarme dans la maison de M. Stocks, située à 1,6 km du terrain où poussent ses concombres. Âgé de 34 ans, M. Stocks travaille pour une entreprise de sécurité et s'est porté volontaire pour tester un nouveau système d'alarme par infrarouge sur sa parcelle de terre. Selon lui, les autres jardiniers lui envieraient ce moyen de protection. Le coût des denrées alimentaires a beaucoup augmenté et tous les jardiniers veulent protéger leur culture. Ce système pourrait leur être très utile, surtout lorsqu'ils possèdent des outils onéreux sur leur terrain. Voilà. Et on termine à South Charleston, en Ohio, aux États-Unis. Un homme arrêté pour conduite en état d'ivresse a aggravé son cas en émettant une flatulence sur un officier de police. Arrêté par les forces de l'ordre alors qu'il était en état d'ébriété au volant de sa voiture, José Cruz a été conduit au poste de police. Là, alors qu'un officier s'affairait à enregistrer ses effets personnels, l'homme se serait rapproché du policier pour se soulager bruyamment sur lui. Monsieur Cruz a été inculpé pour voie de fait, sur agent, obstruction aux forces de l'ordre et conduite en état d'ivresse. Donc le pet est considéré comme un voie de fait, finalement, c'est ça? Voilà, répète-le maintenant, pète et répète. Le pet est vraiment considéré comme un voie de fait, c'est ça? Qu'est-ce qui tombe du bateau, là? Non, mais commence pas ce petit jeu-là, mais tu trouves pas ça vraiment hallucinant? Donc, on a plus le droit de péter sur les gens. Franchement, là, Kiwan, tu veux vraiment péter sur un policier? Tu trouves ça poli, toi? Tu trouves ça correct de péter sur les... On sait bien Kiwan pète sur tout le monde, mais... Ben non, je ne le fais pas, mais là, tu sais, je sais pas. C'est inoffensif, il me semble, non? En tout cas, toi, t'as l'air vraiment... dépendant des sens, c'est plutôt offensif. T'as l'air offusqué, là. Ben, pas mal, tu sais. Ben, moi, faut comprendre, j'ai un cœur de pirate. T'as compris? Parce qu'on s'en entend la musique de Cœur de pirate, qui est le poste d'or présenté par le poste des coups tout de suite dans les palmarès C'est fou à la radio campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. Sans visage. Au retour, la conclusion palpitante de cette émission à rebondissement. Les palmarès, c'est fou, au 89.fr. Et maintenant, de retour à l'émission captivante, les palmarès, c'est fou. Là, c'est déjà la fin des palmarès pour cette semaine. Kiwan suit avec la dernière porte à gauche les vendredis soirs. Kiwan, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a plein de nouveaux trucs hein, côté francophone qui sont arrivés, tu sais. T'as fait une émission spéciale francophone cette semaine au poste à l'écoute. On a donc, 42 CD, je pense, francophone. À peu près, donc je vais en sortir plusieurs de ceux-là. Il va y avoir entre autres du Hello Postier, du Cœur de Pirate, du Rick Bélanger, du Vanesse Pariétaire et plein d'autres trucs. C'était la dernière porte à gauche les vendredis soirs à partir de 20h. Moi, je vous retrouve dans l'émission Écoutons la nouvelle chanson les lundis à 10h pour présenter mes choix musicaux. Et dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble les vendredis matin à 10h. Nous, on se quitte et puis Kiwan suit avec la dernière porte à gauche. Donc, passez une excellente semaine, je dirais, parce qu'elle va être longue cette semaine. Oui? Ben, 7 jours. Ouais. C'est. Il y en a 7. Mais quand on écoute, c'est fou, ça passe vite. Ah, bon point. C'est quand il y a de la musique, mettons, tu sais, c'est comme tu fais comme. Yeah, yeah, la la la. La la la. Tu chantes, t'es comme. Ou pas. Ben, moi, je chante de même. Ouais. La la. T'as pas ça? Je vais indiquer ça un peu. La la la! C'est la chanson des fruits qu'on appelle. La la la! La la la! Bonne semaine, Mathieu. Bonne semaine, Kiwan, je t'aime, là! Oui. Hein? Ça va le ski, là. On s'en va toute la soirée, on va être assis à côté de nous dans la tête de regarder le ski. Calme-toi, ça va se finir cette émission-là, maudit!